point de l'homme sur la terre. Et y'a belle mot au créole. L'embouche ma chambre dans la rue, son grand bel mot gap sorti. Quelle activité ton palais, la danse qui vient. Même musicien gap et jouir, son tel bel mot gap et dit. Quoi, hey!